Donc, dans le cadre de cet exposé, j'aimerais examiner la question du rôle que jouent les rapports officiels en tant que pratique d'enquête et genre politico-scientifique. Plus spécifiquement, il s'agit de voir quelle part ces documents prennent dans l'élaboration d'un cadre doctrinal des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, ESR, en l'occurrence celles qui sont relatives au secteur dit de la recherche et innovation. Je dois réduire tout de suite mes ambitions quant à mes capacités à traiter de ce sujet. En effet, j'ai engagé ce travail pour cette séance et le manque de recul que je peux avoir sur un dossier complexe me contraint à me contenter d'un survol de ces questions. Dans une première partie assez brève, je ferai un certain nombre de remarques de portée générale que la lecture du récent rapport d'étape du Conseil pour le développement des humanités et des sciences sociales, CDHSS en particulier, a pu susciter. Une présentation plus complète de ce texte est en ligne sur le site du séminaire. Ces remarques portent sur le genre d'enquête que promeuvent les rapports de recherche officiels, la forme de raisonnement qu'ils mobilisent et le registre de signification et d'action dans lequel ils se situent. Dans un second temps, je m'intéresserai au modèle employé par ces documents pour rendre compte des transformations du paysage de la recherche français. Je reviendrai entre autres sur l'éclairage que ce modèle permet de donner de la notion d'autonomie telle qu'elle est utilisée pour décrire, entre autres, la réforme du gouvernement des universités. Enfin, en conclusion, je confronterai le premier type de démarche d'enquête, qui est celui mis en œuvre dans la préparation des travaux conduisant à la rédaction des rapports officiels, à une autre approche dont les caractéristiques contraintes de réalisation et omission du premier justifient pleinement l'existence. Je traiterai ce point sous la question de l'éthique de la recherche en SHS et la nécessaire réappropriation de l'esprit de la recherche, de ses objets, de ses méthodes, par la démarche scientifique critique en sciences sociales dans ce type d'exercice particulier. Un premier point qui a attiré mon attention à la lecture du rapport du CDH2S et d'autres par la suite, c'est que les rapports officiels renvoient préférentiellement à d'autres rapports antérieurs plutôt qu'à des travaux de recherche et s'inscrivent souvent dans un cadre juridique et réglementaire précis. C'est en particulier le cas du premier rapport d'étape du CDH2S qui balaye un champ large. Ce rapport se réfère d'emblée explicitement à la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, SNRI, dont il est en quelque sorte un volet spécialisé appliqué au domaine des SHS. Le rapport de la SNRI, quant à lui, adopte une présentation proche de la structure du rapport de l'Académie des sciences de 2002, ainsi que de l'argumentation présentée dans ce document au sujet des mesures visant à développer la R&D en France, recherche et développement. Ces rapports qui renvoient les uns aux autres le font-ils de manière convergente ? Sur ce point, il convient de nuancer. Un point commun est certes la mise à distance de tout ce qui ne va pas expressément dans le sens de la commande, la lettre de mission du ministère, qui pour certains d'entre eux définit au préalable le champ de questions sur lesquelles des réponses sont attendues, ou de toute perspective critique qui pourrait remettre en cause le bien fondé même de la mesure ou du cadre de la réforme sur laquelle se penche la commission ad hoc ou la société savante concernée. Bref, ce qu'on appellerait en analyse institutionnelle l'analyse de la demande, qui vise à explorer le contexte tacite de la demande formelle et, le cas échéant, à en reformuler le contenu, brille ici par son absence. Or, cette démarche est un moyen, parmi de nombreux autres qui existent en SHS, de passer de la demande locale d'un commanditaire, avec sa vision et ses intérêts et objectifs propres, à une conception plus large de la situation problématique concernée, ce qui se réalise notamment en incorporant à la réflexion collective, publique, le point de vue d'autres parties prenantes, éventuellement ignorées des auteurs de la demande initiale. Au contraire, dans les rapports officiels, donc, le point de départ du groupe d'investigation est défini par la commande telle qu'elle est formulée et donc prise pour allant de soi, et avec elle, ses catégories, sa vision des choses et ses objectifs, ce qui, soit dit en passant, est un élément qui distingue ce type d'enquête d'une posture de recherche stricto sensu. Un tel constat, bien évidemment, n'est pas sans conséquence sur la vision des choses qui sert de fondement à l'analyse, ni sur le résultat à en attendre. La lettre de mission du ministère adressée au CDH2S évoque en termes flatteurs le potentiel de développement que représentent les SHS. Le Conseil lui emboîte le pas en listant ses atouts et en les confrontant à la perception négative que les universitaires et étudiants de ce secteur ont développée sur son compte. Si critique de la part du Conseil il y a, entendu au sens précis de prise de recul par rapport aux énoncés et caractérisations de la situation par une partie prenante identifiée, elle est réservée à ces catégories-là. Ceci paraît être le cas si on considère que le rapport passe pratiquement sous silence le mouvement universitaire de 2009, constitué des revendications, critiques et arguments portés à l'encontre de tel ou tel aspect des réformes en cours. En lieu et place de cette histoire toujours actuelle et des travaux qu'elle a d'ores et déjà occasionnés, et mise en avant l'idée d'un sentiment de malaise diffus, de doute lié à une crise de sens de l'enseignement supérieur en SHS, ressentie différemment selon les catégories concernées, et qui découlerait d'une inadaptation persistante de l'institution à la transformation du public et de la demande sociale concernant ce secteur. Cette reformulation de la situation par le Conseil fait l'impasse sur ses caractéristiques propres, observables et analysables par ailleurs, et conduit à justifier pleinement et sans réserve la mise en œuvre d'une réforme profonde, celle que le rapport annonce comme certaine et profitable et qui est censée pouvoir dissiper à terme les sources de ce malaise. Une telle orientation identifie cette perspective comme conforme à la posture classique de conseiller du prince, en substituant à un contexte chaud, formé de problèmes variés et débattus sur la place publique, un trend plus tiède, localisé à un secteur d'activité professionnelle et quasiment exclusivement situé dans un registre institutionnel. En même temps, il convient de reconnaître qu'il appartient aux universitaires et chercheurs de répondre aux demandes du ministère lorsqu'il s'agit d'éclairer son action et d'émettre des propositions en amont de celle-ci. C'est cette approche qui positionne clairement le Conseil et caractérise son point de vue dans le débat en relation à la mission qui lui a été confiée. En bref, il décrit la situation telle qu'il est en mesure de la traiter. Cela dit, ces rapports s'articulent de la sorte en un réseau dialogique dans lequel un rapport répond sur un point précis à un autre, ou fait suite à un précédent sur le même sujet, ou bien encore développe un aspect déjà énoncé, esquissé par un précédent, ou rendu inférentiellement disponible par ces développements. Ce faisant, ces derniers contribuent toujours davantage à proposer et élaborer des mesures présumées acceptables en fonction des critères et d'un cadre mis en place par les rapports officiels précédents et prolongés par les rapports qui les ont suivis. En somme, un rapport ne fait pas sens seul. Sa signification se réalise rétroprospectivement dans le travail continu d'élaboration d'une politique à laquelle il contribue avec d'autres. Ce sont là autant d'aspects qui participent à la formation d'un point de vue et d'une manière commune et partagée entre ses auteurs et ses destinataires, les pouvoirs publics, le plus souvent commanditaires du rapport, d'appréhender dans son caractère de fait social l'objet de discours et d'actions homogènes qu'ils ont contribué à constituer sous ce jour. Néanmoins, la convergence la plus profonde qui se manifeste à travers eux, et peut-être moins, me semble-t-il, celle d'un accord de contenu propositionnel portant sur les idées et les mesures appropriées à prendre que sur les concepts et la méthode de construction de leur objet. C'est précisément sur le modèle qui sert de cadre de référence à la construction de l'analyse de la situation de la recherche et innovation en France et les moyens d'en améliorer l'organisation et le fonctionnement que je voudrais consacrer à la partie suivante de l'exposé. Les transformations en cours dans l'ESR, enseignement supérieur et recherche, dont la recherche et innovation est une composante, partent pour une part d'un jugement sur l'insuffisance des liens existants entre, d'une part, les universités et les entreprises, et de l'autre, entre le système de recherche public et la valorisation de leurs retombées en termes d'innovation. Sur ce second point, le document élaboré par le comité de pilotage et les groupes de travail de la stratégie nationale de la recherche et innovation vise à apporter des réponses permettant de rendre la relation entre les composantes du système de recherche et d'innovation français économiquement plus efficace. Je souhaiterais m'intéresser ici à la manière dont le rapport conceptualise le domaine sur lequel il se propose d'agir. Le concept de système de recherche et d'innovation se décline sous la forme d'une description formelle d'une organisation fondée sur les liens entre trois fonctions essentielles, l'orientation, la programmation et l'opérationnalisation. Alors, à quoi correspondent ces trois fonctions ? Je les résume. La fonction orientation correspond à la définition des macro-objectifs de la politique nationale et l'affaire du gouvernement. La fonction programmation est la déclinaison de ces objectifs en axes de recherche. Cette activité incombe notamment aux agences de financement et aux organismes de recherche. Enfin, la fonction recherche et innovation relève de la compétence des universités, des centres de recherche et des entreprises. À ce modèle, il faut ajouter deux orientations possibles. La première est dite à fonction majoritairement intégrée et la seconde à fonction majoritairement séparée. La première correspond à l'idée qu'un même acteur puisse intervenir sur plusieurs fonctions, d'où il s'ensuit un risque de confusion des rôles au sens où plusieurs acteurs, ministères et organismes de recherche essentiellement, peuvent intervenir sur les mêmes fonctions. Il semble que la seconde orientation évoquée, celle des fonctions majoritairement séparées vers lesquelles se dirige désormais le système français de recherche et innovation, soit pour partie le résultat des préconisations du collectif Futuris, qui est une agence de réflexion liée à l'Agence nationale de la recherche technologique, dès son premier rapport de 2005. Cette évolution s'est faite en deux étapes. D'abord, le système en trois fonctions. Ensuite, la préconisation de la séparation des fonctions, qui se met aujourd'hui en place autour des notions de capacité stratégique et d'autonomie à accorder aux acteurs du système. C'est au demeurant l'un des intérêts de ce modèle de R&D appliqué aux universités et organismes de recherche de pouvoir contribuer à éclairer le sens qui convient de donner à la notion controversée d'autonomie des universités telle que prônée par la loi LRU de 2007. Ce modèle est au fondement de la constitution d'un régime d'observabilité et d'analysabilité spécifique par lequel des objectifs essentiellement appliqués de politique économique sont définis par les pouvoirs publics, de même que les ressources et le cadre d'organisation générale pour les atteindre. Peu importe, au fond, les caractéristiques spécifiques de fonctionnement et d'organisation, les traditions et valeurs culturelles de travail et de relations propres au champ d'activité des collectivités à mobiliser pour cette tâche. C'est une démarche de projet qui se trouve être appliquée au domaine de l'ESR sur la base des préoccupations relatives à la recherche et innovation mise en œuvre par ceux, gouvernements nationaux, instances européennes, entreprises, qui ont le pouvoir d'en structurer le champ. La mise en ordre de bataille des opérateurs de l'ESR suppose de réformer en profondeur ce système au-delà des seuls aspects directement liés au transfert des connaissances scientifiques en innovation économiquement rentable. Elle touche également à la formation des étudiants en relation avec l'impératif de leur insertion professionnelle. La question de l'autonomie des acteurs du système et donc par conséquent des universités est à considérer strictement dans la perspective des moyens et ressources nécessaires à leur allouer pour favoriser la réalisation des objectifs qui leur sont impartis dans des limites strictement définies par le système et sa logique interne. L'AERS, l'agence d'évaluation indépendante, chargée d'auditer chaque niveau, est l'élément qui assure le bouclage de l'ensemble. Je vais consacrer la sous-partie suivante à l'examen de la place que le CDH2S suggère de réserver respectivement à l'INSHS, Institut des sciences humaines et sociales, et à l'ANR, Agence nationale de la recherche, quant à la fonction de programmation de la recherche. Ce qui m'intéresse là encore, c'est l'argumentation mise en avant par le Conseil pour justifier sa préconisation. Le modèle employé ne se contente pas de décrire un état du monde, il vise directement à en modifier la géographie, la structure et le fonctionnement, en initiant et en accompagnant un certain nombre de mesures, de textes, d'initiatives allant dans ce sens. À cet égard, le modèle mis en œuvre dans le SNRI peut être lu, à commencer par les auteurs de rapports ultérieurs qui s'en inspireront, comme une série d'instructions pour repérer des incongruités dans la situation existante et suggérer des moyens d'agir dans un sens conforme à ces préconisations. C'est en ce sens que le cadre de raisonnement d'ensemble est préservé d'un rapport à l'autre, en tant que méthode de construction progressive d'une vision et d'une pratique identifiable par les acteurs concernés. À cet égard, les points évoqués dans l'un de ces textes peuvent servir de schéma inférentiel pour élaborer à partir d'eux des propositions qui traitent d'un sujet singulier, défini comme problématique, en suggérant de le résoudre en lui appliquant telle ou telle procédure déjà disponible par ailleurs, qu'il s'agisse d'une configuration prévue par des textes officiels ou évoquée dans d'autres rapports. Ou encore, effectivement, réalisé dans d'autres secteurs similaires et transposable à celui des SHS en l'occurrence. Une illustration de ce dernier point est offerte par la proposition de constitution d'une alliance des sciences humaines et sociales comme un moyen qu'avance le rapport du CDH2S de résoudre un problème de coordination entre l'INSHS, les universités partenaires et les agences en matière de programmation et de prospective pour ce qui a trait à la recherche. Je n'envisagerai ici que la manière dont le texte procède et les étapes par lesquelles il passe pour atteindre son but. Il opère en trois temps. En premier lieu, le rapport s'intéresse à la notion de coordination nationale reconnue au CNRS, ceci pour en distinguer deux dimensions, la programmation et la prospective, à partir de quoi il est souligné que l'ANR joue un rôle d'importance croissante dans la programmation. Quant à la mission de prospective, le rapport met en cause les capacités du comité national du CNRS de la réaliser seul, sous le format d'un rapport de conjoncture quadriennal. La dissociation de ces deux composantes est un premier pas qui permet de considérer la possibilité de ne pas attribuer les deux fonctions au même agent en problématisant ce qui était jusqu'ici la pratique établie. Ensuite, il évoque la pluralité d'acteurs, le problème que posent leurs structures respectives avec leur découpage sectoriel différent pour appuyer la conclusion selon laquelle il est impossible pour l'organisme de remplir en l'état la mission qui est la sienne, le caractère problématique de la mission est induit par la dramatisation même de sa présentation. Avant, finalement, de proposer une solution institutionnelle qui permette à cette diversité organisationnelle présentée comme hétérogène de pouvoir trouver un mode de fonctionnement et de coordination satisfaisant. La solution passe par la constitution de cette structure nouvelle qui est l'Alliance, qui réunit l'ensemble des acteurs institutionnels d'un secteur de la recherche et dont certains exemples existent déjà. Du reste, sur le site du ministère, la ministre endosse la proposition du Conseil et lui confie le soin d'en préciser les contours. Cette proposition a également suscité des réactions hostiles de la part de l'INSHS, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mon intention était simplement de montrer comment les rapports officiels participent de ce processus de construction progressive d'une politique. Ce faisant, ils rendent l'hypothétique possible en se servant des mots-outils, ici le mot « alliance », en vogue à un certain moment dans une certaine communauté de langage et de pratique, celle des, ce que j'ai appelé, faute de mieux, des gestionnaires académiques, en vue de restructurer le paysage de la recherche scientifique et la zone d'influence de ses principaux acteurs. Le tout se réalise à partir de choix organisationnels qui semblent souvent aller de soi, tant ils peuvent paraître appropriés à la nouvelle donne économique et scientifique à laquelle il s'agit de s'adapter au mieux, sous peine de décrochage technologique du pays. On peut aussi être tenté de voir dans ce travail concerté d'élaboration de la politique universitaire et de recherche à laquelle des scientifiques, chercheurs et universitaires prennent part, l'expression d'une proximité idéologique assumée ou contingente avec les concepts, les orientations, les valeurs des gouvernants de l'heure, y compris lorsque leur mise en œuvre se heurte non pas à des opinions individuelles, mais à des réserves et des critiques sérieuses émanant de la communauté scientifique, quand il ne s'agit pas tout bonnement de faits avérés par un certain nombre d'études, en sciences sociales notamment. Je souhaiterais consacrer la conclusion de mon exposé à une comparaison entre deux modalités d'enquête pour en montrer à la fois la complémentarité, mais également l'incommensurabilité. La première sorte est celle illustrée par l'analyse de la forme rapport officiel, dont nous venons d'évoquer quelques aspects caractéristiques. Pour exemplifier la seconde, je reviendrai brièvement sur l'enquête précarité dans l'ESRP, enseignement supérieur à la recherche, et la recherche publique, que deux de ses auteurs, Isabelle Claire et Wilfried Roux, sont venus présenter lors de la séance précédente de ce séminaire. Pour établir ce qui distingue les démarches d'enquête mobilisées dans les deux cas de figure, je partirai d'une citation empruntée au rapport du CDH2S. Celle-ci indique que, du point de vue méthodologique, nous nous sommes efforcés à la fois de partir des questions que se posent les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche dans leur activité quotidienne, et de ne pas refermer la réflexion sur les préoccupations exclusives des enseignants et des chercheurs, mais de toujours inclure la perspective des étudiants. En recourant à cette citation, je souhaite montrer la différence qui sépare la conception du point de vue des acteurs du système d'enseignement supérieur présenté dans ce rapport de celle que propose le rapport sur la précarité dans ce même milieu. En effet, l'option du CDH2S consiste à sélectionner les catégories de personnes professionnelles et usagers qui sont conventionnellement associées à l'institution université. À partir de ce que chacun sait par convention sur ces mêmes catégories, est induit un certain type de raisonnement et sont produites un certain nombre d'inférences sur la situation examinée dans le rapport qui conduisent à certaines conclusions que je ne détaille pas. Le choix méthodologique de l'enquête sur la précarité est tout autre. Il procède par constitution volontaire du panel à partir des personnes qui vont répondre d'elles-mêmes à un questionnaire mis en ligne. L'hypothèse qui sous-tend la constitution de ce panel est que l'auto-reconnaissance des répondants dans le statut de précaire va éclairer les auteurs de l'étude et tout un chacun, y compris les répondants au questionnaire, sur le savoir social pratique, c'est-à-dire les conditions d'usage effectives et non pas théoriques ni délimitées au préalable de la catégorie et des propriétés qui lui sont associées. Ceci afin justement de ne pas s'en tenir à une définition officielle du terme, à la portée probablement plus limitée que ces modalités d'usage prosaïque peuvent nous enseigner. Il s'agit alors d'appréhender la catégorie à travers les manières ordinaires de lui donner sens et de la reconnaître dans les situations de la vie courante, d'en rendre compte de manière sensible et détaillée dans ses implications vécues et communicables. Ce faisant, elle apparaît non pas comme un instrument défini à l'avance et une fois pour toutes, à partir duquel il est possible de sélectionner les données pertinentes dans le matériau recueilli au cours de l'enquête, mais plus exactement en tant que phénomène dont les traits constitutifs peuvent être alors empiriquement découverts. Et cette fois, par ceux qui en font usage pour s'auto-sélectionner en tant que personne concernée par le thème du questionnaire et au-delà, bien entendu, par le problème social dont cette catégorie est le révélateur. De l'une à l'autre approche, on passe d'une perspective top-down, pour faire brancher, où l'on administre des catégories formelles et une connaissance de l'organisation typique d'un secteur d'activité de la vie sociale que l'on plaque sur des situations dans l'intention de les modifier, à une approche bottom-up, ouverte, sur des découvertes que l'on escompte faire et des connaissances que l'on compte produire sur une situation réputée complexe et mal connue, à des fins d'action également. Il s'agit dans ce cas d'une action indirecte qui ne dérive pas d'une relation contractuelle préalable entre les auteurs de l'enquête et les pouvoirs publics qui les ont nommés dans un comité ad hoc, comme il en va des comités chargés des rapports officiels, mais de la pression que la révélation des faits est susceptible d'exercer sur les décideurs via le levier de l'opinion et des forces sociales. Une telle enquête première du genre peut ainsi amener à s'interroger sur les raisons pour lesquelles un problème qui paraît aussi massif et ancien au sein de l'ESRP a été si peu pris en compte jusque-là par les diverses institutions et personnes concernées. Cette enquête paraît, qui plus est, dans un contexte dans lequel les évolutions récentes des modes de financement de la recherche et de l'état de l'emploi scientifique rendent ce problème aujourd'hui peut-être plus pressant que jamais. Ces raisons sont sans doute nombreuses et variées. Toutefois, cette dernière considération suffit à indiquer en quoi chaque approche complète l'autre tout en lui étant asymétrique. Pendant que la première s'attache aux mécanos de la structuration des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, dans le contexte de la compétition aussi bien scientifique qu'économique à l'échelle européenne et mondiale qu'elle s'est donnée comme horizon pertinent, la seconde explore un phénomène induit en partie par ce même contexte qu'elle examine dans la diversité de ses formes d'expression au sein d'un secteur d'activité. Et elle le fait en respectant les canons et les critères scientifiques en usage au sein des disciplines concernées dans une démarche de connaissance et de recherche-action. En ce sens, cette forme d'analyse possède un potentiel critique susceptible d'interroger la logique de la vision politique d'ensemble qui est porteuse de cette situation problématique à l'échelle des individus, mais également du et des pays concernés par cette orientation politique au sein desquels elle génère des coûts cachés. En même temps, cette enquête appelle la formation d'un foyer d'attention publique sur une catégorie sans doute connue de beaucoup, mais non prise en compte dans sa signification et sa portée, faute notamment d'en avoir circonscrit plus précisément les traits, à commencer par le caractère durable de la précarité qui affecte la population qu'elle désigne. Avec la conclusion qui en découle, selon laquelle ces personnes occupent des postes qui correspondraient à des besoins continus, donc à des emplois pérennes. Une conclusion qui donne à voir la situation des précaires sous une toute autre perspective que celle d'une phase transitoire, une forme de bizutage qui serait rapidement corrigée par l'accès à un emploi durable. Et j'en arrive à la fin. On peut s'interroger, et le rapport sur la précarité est là pour nous inciter à le faire, sur la nécessité qu'il peut y avoir pour ce faire, de revoir en profondeur le type de relation existant entre les scientifiques et les politiques, qui permettent de faire prendre en compte par les politiques des analyses divergentes de leurs attentes et de préserver les scientifiques de la confusion des rôles. Il s'agit d'un risque qui se pose de plus en plus ouvertement, en particulier avec le développement des méthodes d'expérimentation et d'évaluation ex ante des politiques publiques, qui transforment les chercheurs en co-décideurs des mesures en matière d'action publique. Ce qui soulève bien entendu la question de l'indépendance de la recherche dans ce processus, dans lequel celle-ci se trouve malmenée dès lors qu'elle sort de son cadre et que les impératifs d'autres champs politiques, économiques, etc., tentent de s'imposer à elle. Aussi, sous peine de passer à côté du phénomène sans même s'en apercevoir, la même qualité d'attention que les observateurs professionnels, les médias, les analystes, les politiques et le grand public accordent spontanément aux déclarations, décisions et actions des pouvoirs publics mériterait d'être accordée aux prises de position, analyses, initiatives émanant de la société civile. En effet, seule une prise en compte de ces deux registres d'enquête, résumés par les termes top-down, bottom-up, de leur catégorie de pensée, conception pratique de l'ordre social, est susceptible de donner une idée plus adéquate des enjeux, des significations, des problèmes publics autour de la définition desquels des forces s'agrègent et confrontent leur vision des choses en quête d'une réponse satisfaisante. Ce que la vision homogène et unilatérale que reflètent et promeuvent bien souvent les rapports officiels n'est pas en mesure d'apporter à elle seule à la réflexion publique, faute de pouvoir justement prendre en compte la diversité des points de vue concernés. Merci.